avec, je sais même pas ton prénom, excuse-moi. Bruno, qui va nous parler de l'action de la commission logistique sur cette place, depuis voilà le début de Nuit Debout jusqu'à aujourd'hui. En attendant, voilà, je tenais à vous dire que si vous aviez un sujet d'intervention à proposer pour la semaine prochaine ou pour des semaines suivantes, n'hésitez pas à venir. Si vous avez aussi envie de donner un coup de main à la commission Debout Éducation Populaire, toute bonne volonté, la bienvenue. On va aussi vous faire passer une caisse qui nous permet, nous, d'acheter du matériel, donc la sono notamment. Là, tout à l'heure, on a fait un atelier art plastique, peinture, donc ça nous permet d'investir un peu, d'acheter tout ça. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas. Et donc voilà, Bruno va nous parler pendant 5, 10, 15, comme vous voulez, comme tu veux. Et puis après, on ouvre le débat et l'échange autour de la commission logistique et du reste. Ben bonjour, moi c'est Bruno. Vous m'avez sûrement vu déjà sur la place, perché sur une échelle en général. Alors la logistique, qu'est-ce que c'est ? Ben, principalement, c'est fournir vraiment le minimum de confort sur la place, donc en installant des tentes, des bâches. Les barnums, quand on en avait, on n'en a plus maintenant pour différentes raisons. Ce minimum de confort, c'est pour accueillir les gens. C'est aussi pour assurer un visuel sur la place, montrer que la Nuit Debout occupe la place. Autrement, on essaye de fournir un peu tout ce qui peut servir, comme les banderoles. Certaines ont résisté au temps et sont toujours en place. Ça a été un gros travail de les monter là-haut. On en a perdu beaucoup. C'est pas très grave, on en refera d'autres. Voilà, en gros, la logistique, c'est ça. Notre travail, c'est aussi de faire avec ce qu'on a comme matériel quand on en a, de trouver des solutions quand on n'en a pas de matériel, essayer d'arranger tout le monde. On n'y arrive pas toujours parce que c'est quand même du gros boulot, c'est physique, c'est fatigant. Et puis des fois, on est à court de temps, on est à court de matériel. Alors, on n'est pas toujours sympa avec les gens. Je reconnais qu'on a un peu de mal à toujours être disponible, mais on essaye. Ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est les questions, les remarques que vous avez à faire sur le travail qu'on fait actuellement. Du coup, est-ce que quelqu'un a une question à poser déjà ou... Simplement pour dire que la commission logistique fait un travail formidable depuis 3 mois. Sans vous, Nuit Debout n'aurait jamais existé. Vous avez été là nuit et jour au début. Vous êtes là tous les jours, vous montez, vous démontez les tentes, les bâches, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, vous êtes là tout le temps disponible, peut-être parfois fatigué, mais je vous fais un grand hommage vraiment à tous, parce que vous n'êtes pas très nombreux et vous avez fait un boulot exceptionnel, vraiment exceptionnel. Ce qu'on a besoin de savoir maintenant, c'est de quoi vous avez besoin, parce que je sais que vous aviez un camion les premières semaines, le camion a rendu l'âme, et il vous en faudrait un autre, c'est sûr, une estafette, une camionnette, n'importe quoi. Comment faites-vous et de quoi avez-vous besoin ? Bon, de bras, de personnes, d'actifs, de matériel, dites-nous. S'il y a des gens qui vous entendent d'ici et qui ont une idée et ce qu'il vous faut, ben ils le diront. Bon, c'est vrai, on n'a plus de camion pour la logistique. On a essayé, on a commencé à mettre en place un système de charrettes tirées par vélo. Ça vient, c'est long, c'est compliqué parce qu'il faut les fabriquer. On n'a pas les moyens de les acheter. Entre-temps, c'est la cantine qui nous prête un espace dans son camion pour le transport du matériel. Pour les effectifs, on en a toujours besoin parce que les uns après les autres, là, on craque physiquement, on fatigue. Et toutes les bonnes volontés sont acceptées. Il n'y a pas besoin d'être comme moi, un costaud pour monter les bâches. On a des techniques, on a mis au point des techniques pour que à peu près n'importe qui puisse monter une bâche. Après, on a besoin de volontaires, quoi. De quelle heure à quelle heure et quel jour ? On est là tout. Pour l'instant, on est encore là tous les jours, donc du lundi au dimanche. En semaine, on s'installe en général, on commence à partir de 16h30, 17h. La semaine, si c'est le week-end, si possible, à partir de 14h. Là, ça a plutôt été 14h30, 15h, mais de toute façon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on peut, quoi. Et on s'adapte en fonction des conditions locales. Et combien vous êtes, du coup, en membre actif ou plus ou moins actif Sur Fil Télégraphe, il y a une 40-70 personnes, je ne sais plus, pour faire le boulot de manière effective, présent physiquement sur la place. On va dire qu'on est une douzaine à la logistique à être réellement actif. Généralement, pour le montage, on est 4 ou 5, il y a 4 ou 5 personnes pour le démontage. On essaye de se relayer un peu au fil de la soirée, au fil de la journée, en fonction des disponibilités de chacun, parce qu'on est nombreux à travailler, avoir un travail à côté, comme beaucoup de gens parmi nous, ou avoir des obligations ailleurs. On a pas mal de copains qui sont étudiants, donc là, qui sont pris par les examens. Là, à l'heure actuelle, pour l'instant, on est 4 à la logistique, là, aujourd'hui. Voilà. Et par rapport aux à la création de la commission, est-ce que dès le début de Nuit Debout, c'est posé la question de créer cette commission logistique? Est-ce que c'est venu de vous? Est-ce que c'est venu d'un appel extérieur? Enfin. Pour les camarades qui avaient commencé sur la logistique, les tout premiers, c'était posé dès le départ la question comment faire pour faire vivre la place et l'animer. Donc a priori, dans ce que j'ai compris, la commission logistique s'est imposée assez rapidement comme une nécessité. Pas forcément une évidence, mais une nécessité. Aujourd'hui, on est toujours là, c'est plus forcément les mêmes personnes, mais on continue dans le même esprit. Est-ce que quelqu'un aurait une question, une remarque ? Moi, je voudrais savoir ce que ça va donner dans les jours qui viennent, cet été. Est-ce que vous comptez continuer le mouvement ? Est-ce que... où ça en est Alors là, je m'exprimerai plus à mon point de vue personnel. La question se pose chaque jour. Chaque jour, on recommence. En fait, ce qu'on fait, c'est du nomadisme immobile. C'est-à-dire qu'on part, on revient, on repart, on revient. On ne sait pas, on ne sait jamais réellement si le lendemain, on pourra recommencer. Faut garder la foi, quoi. Et puis, pour le mouvement à venir, on arrive sur les vacances d'été. On suppose qu'il y a des gens qui vont partir en vacances. On suppose qu'il y a des gens qui vont monter à Paris. Donc on espère qu'il y a des gens que ça va intéresser. On a survécu au mauvais temps. On s'accroche malgré l'euro. Nos camarades musulmans qui font le ramadan sont moins disponibles parce que c'est fatigant aussi. On verra bien. Enfin, je n'ai pas mieux à répondre. Je sais que tout à l'heure, il y a une réunion avec des commissions pour essayer de discuter de comment on va faire pour durer. Moi, ma seule réponse, c'est qu'il faut s'accrocher, quoi. Faut être obstiné. De toute façon, faut pas oublier que quand on occupe la place, c'est un acte militant, c'est une action de lutte qui emmerde le gouvernement, qui emmerde la ville de Paris, qui fatigue la police. Donc, même quand on a l'impression de stagner, de rien faire, être là, militer, à parler entre nous, c'est déjà un acte militant et fort, puisqu'il motive beaucoup de gens en province à continuer ou à se rattacher à la lutte. Et par rapport justement au militantisme, est-ce que les gens qui font partie de cette commission, c'était des gens qui étaient particulièrement militants avant ou est-ce que tu... Pour certains, je sais que oui, c'était des gens qui étaient engagés dans du militantisme associatif, peut-être un au niveau syndical, mais non, c'est des gens de différents horizons qui ont trouvé cette façon de participer à la Nuit Debout et de s'investir, c'est-à-dire au-delà de l'occupation de la place, au-delà de la réflexion on va dire que ce serait de la réflexion manuelle, quoi. On essaie de penser avec nos mains pour faire vivre le mouvement. Est-ce que quelqu'un a une question ? Bonjour à tous. Moi, j'aurais une question par rapport à justement l'aide qu'on peut vous proposer en fonction de nos horaires, etc. Comme beaucoup de monde, moi aussi, je travaille. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait quelqu'un à contacter ou à envoyer un mail pour dire tel jour je serai là, je suis disponible. Voilà. On fonctionne. Il y a un fil télégraphe qui existe, qui à ma connaissance est de moins en moins utilisé. Moi, je m'en sers pas du tout. C'est les gens qui veulent participer, qui veulent aider, sont les bienvenus. On les invite à essayer, voir si ça leur convient. Si ça leur convient pas, c'est pas grave. On trouvera bien autre chose sur la place qui leur conviendra mieux. C'est pas forcément le plus facile. C'est vraiment horizontal. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui décide. Il n'y a vraiment pas de commandement. Le premier qui arrive pour faire les choses prend les choses en main et celui qui arrive derrière pour le remplacer fait les choses à sa manière. C'est assez libre à ce niveau-là, quoi. Ça, souvent même en logistique, ce dont on a besoin, c'est quelqu'un qui reste assis au stand et qui reste là à attendre. C'est pas drôle, mais c'est vachement utile pour surveiller le matériel ou pour être là pour répondre aux gens pendant que nous, on fait autre chose. Et ça nous permet aussi de temps en temps de partir pour participer à d'autres actions qui se font ailleurs. Parce que sinon, on sera un peu tout le temps coincé sur la place. Et est-ce que votre organisation a évolué au fil des jours, au fil des mois ? Est-ce que vous avez repensé des choses ? Oui, ça a évolué forcément. Déjà, l'emplacement logistique, l'emplacement physique du stand de la logistique qui n'a pas arrêté de bouger sur la place pour aussi montrer aux gens qu'il n'y a pas à la nuit debout, il n'y a rien de fixe. C'est toujours mobile, c'est toujours évolutif. Et dans notre travail, ça a changé parce que dans les premiers temps, c'était une occupation quasi permanente de la place avec des gens qui dormaient sur place. Donc, on a monté des dortoirs, on a monté des salles de repos. Aujourd'hui, ça, on peut plus le faire puisqu'il faut qu'on évacue tous les soirs. Donc, on s'est adapté en montant des structures plus légères, plus faciles à transporter, plus faciles à monter, à démonter. Et à l'avenir, en fonction des contraintes que... Donc on s'adaptera à nouveau aux conditions qu'on connaîtra. Donc on espère vraiment que le beau temps revienne et s'installe, on aura déjà moins à monter des structures, entre autres pour l'AG, monter des grandes bâches pour pouvoir accueillir du monde à l'abri de la pluie. Si on peut plus avoir à le faire, bon, on trouvera autre chose. On aura peut-être plus le temps pour imaginer de nouvelles banderoles, finir enfin nos charrettes dont on a réellement besoin. On essaie de prévoir sur l'avenir, surtout notre travail, c'est de s'adapter aux conditions en place, quoi. Merci. Est-ce qu'il y aurait une question encore, une intervention, une réflexion sur l'action de la commission logistique sur cette place ? N'hésitez pas. Non, du coup, est-ce que Bruno, tu peux, je reprends la question de madame, ce dont vous avez besoin, est-ce qu'au niveau matériel, vous avez suffisamment, est-ce qu'il y a moyen de faire des dons à votre commission? Ah oui, bien sûr, on a une caisse de dons qui nous sert à financer le matériel courant, c'est-à-dire qu'on a fait une énorme consommation de cordes et de ficelles, parce qu'à monter, démonter tous les jours, tout s'use très très vite. Il n'y a pas de matériel qui existe, qui est conçu pour une utilisation comme on le fait. Normalement, quand on monte une tente, quand on monte un barnum, il est prévu pour rester ou être démonté pour être stocké. Nous, ça recommence sans cesse. Donc, ce qui est généralement du matériel qui est considéré comme des immobilisations, pour prendre un terme fiscal, chez nous, c'est du consommable. On n'a rien de définitif. Alors, si les gens ont des cordes, on les accepte. Si les gens ont des cutters, des feutres, des stylos, tout, n'importe quoi peut nous servir. Et surtout, des bonnes volontés qui veulent bien venir donner un coup de main. Même si c'est pas tous les jours, même une fois de temps en temps, ça soulagerait énormément. Voilà, merci. Merci beaucoup et longue vie à la commission logistique, du coup. Merci Bruno.